Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le grand maître suédois, Ingmar Bergman. Je voudrais vous poser une dernière question. La plupart de vos films, surtout vos premiers films, sont pleins d'amertume, de désespoir et même de cruauté. Comment le bonheur suédois vous a-t-il inspiré ces sentiments? Ah, je ne cherche que dire la vérité de la condition humaine. À ceux qui lui font remarquer que son cinéma est sombre, comme le fait André Parrino à la télé française en 1959, Ingmar Bergman répond qu'il ne fait que décrire la réalité dans ses films. Cinéaste de la condition humaine, avec tout ce que ça veut dire de doute et de questionnement, c'est peut-être comme ça qu'on peut le mieux, ou en tout cas le plus succinctement, résumer le travail du grand maître suédois, l'homme derrière Le Septième Sceau, Crise et chuchotement, Fanny Alexandre ou Sarabande, pour ne nommer que quelques-uns de ses plus grands films. Pour moi, ça représente vraiment le panthéon du cinéma mondial, ou si vous voulez, de l'histoire du cinéma. Il y a cinq vraiment les plus grands, on peut discuter de la valeur de tel ou tel, mais prenez Charlie Chaplin, prenez Orson Welles, John Ford, Akira Kurosawa, le japonais, et Ingmar Bergman. Voilà pour moi le panthéon, là, parmi les cinq meilleurs qui nous honoraient tout ce qu'il fallait au cinéma. Et on peut dire que Bergman, c'est vraiment le philosophe du cinéma et de la nature humaine. Quand on voit un film de Bergman, on ne va pas pour s'amuser, vous comprenez, on va apprendre des choses sur la nature, sur les rapports humains, surtout les couples, vous comprenez. Alors tout ça, il nous a fait ressortir ça d'une façon admirable, sans compromis, uniquement les images qui parlent de la réalité de l'être humain. Le président du Festival des films du monde, Serge Lozic, au moment de la mort d'Ingmar Bergman, le 30 juillet 2007, à l'émission L'été du monde, pour nous présenter le parcours, l'œuvre également d'Ingmar Bergman. J'ai le plaisir de recevoir le cinéaste Raphaël Ouellet, grand admirateur d'Ingmar Bergman, qui a d'ailleurs collaboré avec la Cinémathèque québécoise à la présentation des films de Bergman récemment. Raphaël Ouellet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. C'est vraiment quelqu'un de très, très important pour vous. Vous dites que c'est votre réalisateur fétiche. Pourquoi? Il m'a happé de façon assez brutale. J'avais 22 ans, je ne connaissais pas beaucoup le cinéma mondial. Puis j'ai vu Persona écrit chuchotement sur, je dirais, en moins de 24 heures. Et j'ai été vraiment happé. Et pendant des jours, j'avais des images de Bergman. Je voyais la vie en Bergmanorama, je ne sais pas comment le dire. Ouais. Et puis, ça ne m'a jamais lâché depuis. Donc, j'ai 44 ans aujourd'hui. Ça fait depuis plus la moitié de ma vie que Bergman m'accompagne. Je connais ses films par cœur. J'ai lu tous ses écrits. J'ai visité son pays également. Pour moi, c'est le cinéaste, M. Lozic l'a dit bien, vous l'avez dit en entrée aussi, c'est le cinéaste de la condition humaine. C'est aussi, plus proche de moi, le cinéaste de l'angoisse, des remises en question. C'est très important de le découvrir assez jeune aussi, mais ça peut vraiment grandir. Cinéaste du questionnement, de la vérité. La vérité aussi, ça fait partie de sa démarche. Ça fait partie de sa démarche, mais la vérité, c'est lui qui la signe, c'est lui qui décide ce qui est vrai ou pas. Parce que ce n'est pas le cinéaste de la réalité, c'est le cinéaste de sa vérité. Ouais. Ouais. Pourquoi, au-delà du rapport affectif que vous avez avec Bergman, pourquoi il est dans l'histoire du cinéma si important? Il est responsable de beaucoup d'images marquantes de notre mémoire collective. On pense à la mort, par exemple, dans Le Septième Sceau, qui joue aux échecs avec un chevalier. On pense à cette même mort qui danse sur la colline. Ce sont là deux images les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Bergman, c'est 40 films sur 60 ans. Ouais. C'est aussi une autre vingtaine de films pour la télévision qu'on a eu la chance parfois de voir ici en Amérique du Nord. C'est des chefs-d'œuvre à répétition. Bergman va signer 3-4 chefs-d'œuvre par décennie. C'est un cinéma ultra cohérent, très personnel, en même temps très diversifié. C'est ce qu'on oublie aussi. Bergman donne parfois dans le misérabilisme ou les grandes crises existentielles, mais va aussi donner dans la comédie beaucoup plus légère, dans la nostalgie, un truc un peu plus ludique. Et aussi, formellement, Bergman va toucher un peu à tout. Va faire des films très classiques, mais aussi va faire des films presque expérimentaux. Ouais. Il y a une chose qui est particulière quand on parle de la carrière de Bergman. Il y en a très peu d'exemples. En préparant l'émission, je pensais à ça. Je me disais, qui d'autre, comme metteur en scène, a été aussi présent au théâtre qu'au cinéma? C'est le cas de Bergman. Oui. Toute sa vie, il va faire du théâtre et du cinéma en même temps. Oui. Comment, pour lui, qu'est-ce qui appartient au cinéma? Qu'est-ce qui appartient au théâtre? Comment l'un et l'autre se nourrissent? Pour lui, le théâtre, c'est vraiment le moment de se mesurer à ses propres maîtres à lui, qui sont les dramaturges Strindberg et Ibsen, les Scandinaves, Tchekhov aussi, le Russe, également Shakespeare, qui, je veux dire, tout le monde peut se revendiquer de Shakespeare, mais Bergman, c'est là qu'il va se mesurer à eux et va mesurer ses thèmes, son écriture et son imagerie avec ces maîtres-là. Au théâtre, c'est ce qu'il fait d'abord. Et ensuite, au théâtre, ce qu'il va faire, c'est obéir à une certaine constance, plusieurs pièces par année, être très méthodologique, méthodique, avoir beaucoup de discipline également. Il va s'entourer presque toujours des mêmes gens. Donc, il va développer ce sens de la troupe qui va importer dans son cinéma en travaillant presque toujours avec les mêmes acteurs et actrices et en étant très fidèle avec ses techniciens également. Et autant, ce sont les grands classiques qu'il va mettre en scène au théâtre, autant au cinéma, c'est autre chose. C'est la vie, c'est ses préoccupations à lui, un cinéma plus intimiste que son théâtre. Absolument, mais toujours quand même teinté des grands thèmes de ces maîtres-là. Il y a beaucoup de Strindberg et de Shakespeare, évidemment, mais tout le long de sa carrière, et même lorsqu'on arrive à ses films en fin de vie, on voit là où il fait la somme de ces maîtres-là auxquels il s'est mesuré, auxquels il a goûté et exploré au théâtre. Et au théâtre, je pense que Bergman est peut-être un peu plus libre. Il sent moins le regard de ses pairs, peut-être se fout un peu plus de la critique également et moins de considérations budgétaires. Bon, Bergman a dirigé des théâtres importants, donc celui du Roi... à Stockholm, mais aussi le théâtre de Malmö et à Göteborg. Et ça a été assez compliqué pour lui. Ça lui a procuré beaucoup d'angoisse et de stress. Mais lorsqu'il crée sur les planches, il est beaucoup plus libre que lorsqu'il crée sur un plateau de cinéma. Et il va dire que le théâtre, c'est comme une épouse fidèle, alors que le cinéma, pour lui, c'est une grande aventure. C'est plus comme une maîtresse exigeante et coûteuse. Alexandre, mon garçon, toi et moi, tu t'en souviens, nous avons eu une conversation, une très importante conversation, il y a environ un an, sur le mensonge et la vérité. Ce n'était pas du tout une conversation. Que veux-tu dire? L'évêque parlait et Alexandre se taisait. Et il se taisait peut-être parce qu'il avait honte de ses mensonges. Je n'ai plus honte aujourd'hui, j'ai changé. Veux-tu dire que tu es un meilleur menteur? Si vous voulez, oui. Alexandre, mon garçon. Crois-tu que cet état de choses pourrait durer longtemps? Crois-tu que tu pourras longtemps salir, piétiner, souiller l'honneur d'un homme en toute impunité? Je crois que l'évêque déteste Alexandre. Voilà ce que je crois. Le film Fanny Alexandre, dont on vient d'entendre un extrait réalisé par Ingmar Bergman en 82, c'est peut-être l'un de ses films les plus connus, Raphaël Ouellette, un film largement autobiographique, ce qui nous permet de... On vient d'entendre le beau-père d'Alexandre dans cet extrait, un pasteur, un homme très sévère. Ça nous permet de parler un petit peu de l'enfance et du poids que va avoir cette enfance dans le parcours de Bergman. Quel genre d'enfance il aura, Ingmar Bergman? Une enfance assez stricte. Bergman est né à Uppsala, en Suède, en 1918. Son père était pasteur luthérien, très strict. Il était très bien en vue. Son église était très importante. Ils étaient aussi issus d'une certaine bourgeoisie. Donc, c'est important pour le père de dégager une image de perfection en tout temps. Dans le film Fanny Alexandre, Bergman passe par le beau-père, mais c'est réellement le père qui est incarné par le beau-père dans ce film-là. Une enfance très stricte où Bergman va être torturé psychologiquement par son père, où il n'y aura pas beaucoup de liberté. Il va avoir aussi des châtiments corporels. Il va être battu, frappé, on le voit dans le film, enfermé dans des garde-robes où on lui fait croire qu'il y a des monstres qui l'attendent ou des animaux sauvages qui l'attendent là. Donc Bergman a une enfance assez angoissante et il est en amour avec sa mère qui lui rend pas bien. Sa mère, elle, s'est fait dire qu'elle devait pas être ni l'amie ni l'amoureuse de ses enfants. Elle a, elle aussi, un rapport assez rigide avec eux. Donc, il grandit dans une maison assez froide, finalement. C'est pour ça que souvent, on se demande pourquoi Bergman fait des films un peu plus froids, même si la Suède dégage souvent cette image-là estivale, un peu colorée, fleurie. Et va plutôt se réfugier du côté d'une de ses tantes et de sa grand-mère pour découvrir l'art, les lectures importantes, le théâtre, tranquillement, les premiers après-midi au cinéma aussi. Ça va plutôt passer par sa tante et sa grand-mère et on sent ça également dans le film Fanny Alexandre. Et le cinéma, ça arrive comment, en fait, dans sa vie? Le cinéma, ça arrive après un court mais fulgurant passage au théâtre où il s'est très démarqué, presque un Orson Welles suédois. Très jeune, il avait déjà signé plusieurs pièces, dont des textes qui lui appartenaient à lui, qu'il avait carrément imaginé. Et ça a attiré l'attention de la Svensk Film Industry, qui est un peu leur téléfilm en Suède. Et on a décidé de l'amener comme ça à la Svensk Film Industry, comme on dit en anglais script doctor, comme pour corriger des scénarios, remplacer des dialogues, venir collaborer un peu comme ça, un peu comme une un écrivain fantôme, si on peut dire. Et lui, il avait vraiment beaucoup d'ambition dès le départ. Même avant le théâtre, il voulait devenir cinéaste. Donc, décide de faire son chemin là-dedans, d'ouvrir, de défoncer des portes. Et un jour, on va lui offrir un premier scénario d'un film important. Et ensuite, on va lui offrir de tourner aussi son film. Ça ne sera pas nécessairement heureux. Ses premiers films, c'est vraiment pas... Ben, c'est sûr que pour un amateur de Bergman, ça vaut la peine d'être vu parce qu'on voit les balbutiements, on voit les thèmes qui s'installent, qui se déposent tranquillement, mais non, c'est, on n'a pas là devant les yeux un futur maître du cinéma et pour lui, c'est très compliqué, c'est très, très difficile de faire sa place. Les films sont souvent un échec et on lui demande même souvent de retourner des images, de recommencer son film à zéro. Mais il est déterminé et ça viendra quelques années plus tard. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. You know, I'm very afraid of the most of things that exists in this world. And especially I was very afraid of death. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui m'effraient dans ce monde. En particulier, plus jeune, j'avais très peur de la mort. C'est pourquoi j'ai écrit Le Septième Sceau. And the seventh seal is about death the whole time. Le septième sceau parle de la mort du début à la fin. Dans ce film, chaque personnage a une réaction différente face à la mort. Après avoir fait ce film, j'ai bien sûr continué de penser à la mort, mais ce n'était plus une obsession. J'avais appris à vivre avec cette idée. So, but after that picture, it's not an obsession anymore. I just can live with it. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Vous avez entendu Ingmar Bergman parlant de son film Le Septième Sceau, dont on entendait également un extrait, entrevue qu'il a donnée à la télé britannique en 1978. C'est avec ce film-là, Le Septième Sceau, qu'Ingmar Bergman se fait vraiment connaître internationalement, Raphaël Ouellette. Le film est présenté à Cannes en 57. Pourquoi c'est un film important? Il est important cinématographiquement, mais il est aussi important dans le parcours de Bergman. Absolument. Comme il dit dans l'extrait, la mort est au centre de son œuvre, la peur de la mort. D'ailleurs, je crois qu'il ment un peu. Bergman a tendance à écrire sa propre biographie au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie. En 78, il y a déjà... Entre 57 et 78, le moment de l'entrevue, je pense que la mort est encore très présente et encore un grand trouble pour lui. Donc, il commence à régler ses problèmes avec la mort. Il va l'apprivoiser tranquillement parce qu'il est mort en paix. C'est un film qui a influencé, je veux dire, si on peut penser au plus grand fan de Bergman de la planète Terre, c'est Woody Allen qui l'a parodié, ce film-là, autant dans ses écrits qu'au cinéma. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on incarnait la mort d'un point de vue, je dirais, artistique, qui ne relevait pas de l'horreur ou du genre. C'est vraiment d'un point de vue artistique presque théâtral, très littéraire. On donnait une voix à la mort. Et là, c'est un film très métaphysique. Bergman entre là-dedans, là, tout à coup. Et les années 50 vont être fulgurantes. Je veux dire, si on pense à 53 avec Un été avec Monica, qui a séduit les cahiers du cinéma, par exemple. Parce que cette marche-là, 57 et Le Septième Sceau, c'est l'éclosion internationale. Ah, oui. Mais depuis Monica, depuis quelques années, là, dans le milieu du cinéma, on le voit monter, Bergman. On le voit monter, oui. Il commence à être invité à Cannes. Il va recevoir une première récompense avec Sourire d'une nuit d'été. D'ailleurs, il ne sera pas sur place parce qu'il était malade. La maladie est beaucoup au cœur de la vie de Bergman également. Il va l'apprendre en lisant le journal sur la toilette. C'est lui qui le raconte, donc c'est pas gênant. Et oui, ça, c'est 55, donc 57, Septième Sceau. Et 57 aussi, Les Fraises sauvages, qui est un de ses plus grands films. Il est très connu, c'est pas son plus connu, mais c'est un de ses plus grands films, assurément. Et pour le début des années 60, ça se poursuit avec une trilogie, j'allais dire un peu moins connue, la trilogie du Silence de Dieu, mais c'est une trilogie qui va être importante aussi. Pourquoi? Bergman, on revient peut-être un peu à ses premiers amours qui sont le théâtre. Bergman se rend compte que le cinéma lui demande énormément d'énergie, énormément de sa santé également. Donc, va se tourner vers un cinéma de chambre. Comme il dit, il y a des grands... de ces grands idoles compositeurs ou des grands idoles dramaturges qui sont retournés à un moment donné à des choses plus simples. Ouais. Moins de personnages, un huis clos ou en tout cas quelques lieux. Et là, il va le faire une trilogie où il se questionne à savoir est-ce que Dieu existe ou non, est-ce que je peux entrer en contact avec lui. C'est le silence de Dieu. Donc, oui, un certain minimalisme. Film de chambre, il ne fera pas... Comme musique de chambre, l'idée, elle est belle. Elle est belle et il ne fera pas ça toute sa carrière, mais il va y revenir périodiquement selon sa santé, ouais, selon les moyens financiers, selon aussi des fois l'histoire, tout simplement, qui le demande. Vous estimez que ce qu'on entend, Raphaël Ouellet, c'est un extrait de la bande-annonce de Persona, que Persona, c'est le grand chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman. Pourquoi? C'est son film le plus expérimental. Bergman prend beaucoup de chance à ce moment-là. Il est considéré un peu... On est un peu fatigué de lui en Suède. Sur la planète cinéma, ça s'est calmé aussi un peu depuis quelques années. Il nous habituait à un film par année. Donc, il suffit de 2-3 films comme ça qui passent un peu sous le radar et... On a l'impression que Bergman est en train de disparaître et il revient. Il dit lui-même que c'est un film qui a sauvé sa vie. Il était malade, il devait faire un grand film de 4 heures. Il a tout jeté à la corbeille et il a choisi de faire un film sur deux femmes qui comparaient leurs mains, qui se ressemblaient beaucoup, qui allaient couper des champignons avec un chapeau. Et c'est le film qui lui a sauvé la vie. C'est le film qui lui a fait découvrir l'île de Faro où il va déménager, emménager, faire construire une maison. Et c'est là qu'il va mourir plusieurs années après. Ouais. Et c'est là aussi qu'il tombe en amour avec l'amour de sa vie. Les Woolman, qui sera ni sa femme ni sa compagne pour le restant de sa vie, mais qui va être vraiment son amour, je dirais sa muse, finalement, on peut le dire comme ça. Ouais. Il y aura une autre grande année, donc ça, c'est le film qui lui permet de rebondir, Persona. Puis il y a comme deux années phares, 56-57, on en a parlé avec le 7e saut, Les Fraises sauvages, et puis 72-73, où il y aura Scène de la vie conjugale, on va y revenir dans un instant, mais d'abord, Crise et chuchotement, qui reste pour lui un film vraiment déterminant, encore une fois, sur le plan cinématographique, mais sur ce que ça veut dire pour sa propre carrière. Oui, bien là, ça va pas très bien financièrement pour Bergman. Il fait ce film-là, il demande carrément à ses acteurs, actrices et techniciens d'investir dans le film, d'investir leur cachet dans le film. Il fait un film très ambitieux, très... Il n'y a pas de garantie de succès avec ce film-là non plus. Est-ce que Bergman fait du Bergman? Il se pose la question lui-même. Et tout à coup, le film est terminé. Il a l'impression d'avoir un chef-d'œuvre entre les mains, mais personne n'en veut. Et il y a un distributeur américain, Roger Corman, qui réussit à le sortir in extremis pour que le film soit éligible aux États-Unis aux Oscars. Le film va se démarquer aux Oscars, va être vendu partout sur la planète, va remporter à peu près tous les prix possibles, imaginables. Et ça va renflouer les coffres de sa compagnie et ses coffres personnels à lui aussi. Et va suivre, donc, tout de suite après Crise et chuchotement, Scène de la vie conjugale que Bergman tourne pour la télé, mais dont sera également tiré un film présenté en salle. Voilà la question d'ouverture que j'ai choisie. Pourriez-vous me décrire l'homme que vous êtes, ou plutôt que vous pensez être en quelques mots? Ça n'est pas si facile. Oh, c'est pas si difficile non plus. Je crains qu'on ne se méprenne sur ce que je dis. Vous croyez? On risque de me taxer de vanité si je me définis comme un homme intelligent, jeune, parfaitement équilibré, belle situation, sexy. Bravo, compliment. Un point de vue politique précis, spirituel, brillant, cultivé et extrêmement sociable. Qu'ajouter à ce portrait? Et je respecte notre gouvernement, quelles que soient ses options. Je vénère et estime notre souverain. Je ne suis pas croyant. C'est suffisant ou est-ce qu'il vous faut d'autres détails? Continuez, s'il vous plaît. Je suis un amant extraordinaire, n'est-ce pas, chérie? Il vaut peut-être mieux ne pas aborder cette question. Et toi, Marianne, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je suis... la femme de Johan. J'ai deux filles. Mmh. Je ne vois rien de plus à dire sur mais ma personne. Si, réfléchis. Je trouve Johan très facile à vivre. Merci, c'est gentil de me dire ça. Nous avons déjà 10 ans de mariage. Oui, et je viens de renouveler le contrat. Et il est certain que je n'ai pas une aussi haute opinion de moi et de mes capacités que Johan, mais... en toute franchise, je trouve que j'ai de la chance et je suis heureuse de ce que cette vie me donne. C'est une bonne vie, si tu vois ce que je veux dire par là. C'est tout, c'est fascinant ce qu'on vient d'entendre, c'est tout Bergman, Raphaël Ouellet, qu'on a entendu dans cet extrait de Scène de la vie conjugale. Une grande leçon de mise en scène et d'écriture, ouais. C'est épuré au maximum. 3 millions de Suédois regardaient ça à chaque semaine, c'est incroyable. Il n'y a pas d'exbrouf, il n'y a pas de fla-fla, c'est très très simple. Et ensuite, sur la planète, ça a été un grand succès également. Là, Bergman est vraiment au sommet De son art, oui, mais au sommet de sa gloire. Et de l'exploration de l'âme humaine. Absolument. La relation de couple. Aussi, vraiment, c'est son film. C'est une télésérie, mais c'est son film fort sur la relation de couple. Et là, Hollywood s'intéresse à lui. Bon, Bergman ne s'intéresse pas à Hollywood, mais il est vraiment au sommet à ce moment-là, ouais. À 72. Puis ça va se poursuivre. Il y aura un film qui sera important, que lui va considérer comme raté, mais quand même, Sonate d'automne en 77, 78 par là. Puis 82, on y revient, on en parlait au tout début de l'émission. Fanny et Alexandre. On dit, dans un premier temps, que c'est son film testament. Oui. Moi, je dis plutôt que c'est son film somme, parce que c'est la somme de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Autant sa biographie, son enfance, sa vie à lui, ses grands maîtres. Je les ai nommés tout à l'heure. Il s'y mesure, il les ramène, il les revisite. Les citations à Strindberg sont immenses également. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est pas un film testament, parce qu'il revient vraiment... C'est un film somme, il revient sur sa vie. C'est un film très autobiographique. Pour moi, son film testament... sera son vrai dernier film, parce que Fanny Alexandre avait été annoncé comme tel, mais entre-temps, il y a eu plusieurs films pour la télévision. Ouais. Et il va nous offrir, en 2003, son film, à mon sens, à moi, son film testament, qui est Sarabande. Oui. Et puis, il va mourir sur cette île, son île bien-aimée, en 2007. C'est déjà le moment du bilan des courses. Quel héritage il nous laisse? Est-ce que c'est possible de parler de ça en quelques secondes? En quelques secondes. Ben Bergman aurait eu 100 ans cette année. Donc, 160 pièces de théâtre, 60 œuvres visuelles, audiovisuelles. Bergman a forcément marqué la planète cinéma avec un cinéma très intime, mais en même temps très généreux. Et Bergman disait lui-même qu'il ne filmait pas ni la réalité, ni la vérité, mais des fragments de tout ça. Ouais. Et que ces films étaient presque des bouts de rêve. Et je pense que sa vie aussi est un bout de rêve. Donc, tout ça mis ensemble, on a une espèce de truc cohérent, une œuvre cohérente qui parle d'un seul homme, mais qui parle aussi non seulement de la Suède, mais de l'humanité. À part un Raphaël Ouellette, qui est un héritier direct, en tout cas qui est obsédé de Bergman, est-ce qu'il a des héritiers directs, des gens dont on regarde le travail et on se dit, oui, il y a une filiation? Les réalisateurs avec qui Bergman a une filiation sont un peu ses contemporains. Il y avait Tarkovsky, par exemple, en mon sens à moi. Par la suite, ceux qui se sont mesurés à Bergman ont presque tous échoué et c'est facilement compréhensible. C'est un maître. Ça s'explique pratiquement pas. Ça peut sembler tellement simple ce que Bergman fait, et ce n'est pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, j'ai vu des fois des traces de Bergman chez un Carlos Regadas, par exemple, un cinéaste mexicain. Mais sinon, à peu près tout le monde qui s'y est mesuré s'est planté. Il y a peut-être Woody Allen, c'est intéressant, parce qu'il y va avec humilité, avec autodérision. Il le touche un peu du bout de l'orteil, il recule de deux pas ensuite. Donc, Woody Allen, ce serait peut-être l'héritier ou le fils spirituel de Bergman le plus intéressant dans l'histoire du cinéma. Raphaël Ouellette, cinéphile, averti, on l'a bien compris, réalisateur au cinéma, à la télévision, c'est un vrai bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Sylvain Brunet. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.